avec la politique. Pourquoi se prendre la tête? Prends le drapeau de la France pour papier toilette. C'est Fienso et voilà que tous les mises succombent. Nos meubles sont des armes vu qu'on se sert que des bombes. Y'a pas photo, je suis le numéro 1. Ils perceront peut-être un jour à 4h du matin. Efficace, Bellec, à ta réputation. Rappelle-moi qu'a choqué le prof de rap le jour de répétition. Le petit rappeur de Valenton, je les mets tous à la menthe. Marocain, algérien, j'ai void beurre, ça va pas être tendre. Je vois pas de quoi tu parles, dis-moi pas tes MTC. Tu sais, on compare pas TF1 à TMC. A tous ceux qui pensent en moi, venez oser. J'ai d'hôtel avec Pinocchio, je vais raccrocher au nez. King Kong, style méta, Illuminati, t'as Lady Gaga. Je veux que ton soit entier, il a dit caca, voilà. King Kong in my trunk.